Salut. Hello. Bienvenue à Radio Cayenne. Radio Cayenne dans tes oreilles tous les lundis à 19h sur radio.antirep.net. 19h à peu près. Oui, et vous pouvez nous rejoindre sur le chat sur toujours radio.antirep.net, rubrique chat with us. Et voilà, le channel Jazz Cayenne. Est-ce qu'on peut dire le reste du temps 24h sur 24? Ouais, bah ouais. Ouais, j'écoutais ce week-end, c'était trop bien. Avec bientôt sûrement une nouvelle playlist pour celles et ceux qui écoutent le 24-24 depuis un moment et qui peut-être écoutent beaucoup la même chose. Et nique la playlist. Tout le monde déteste la playlist et tout le monde déteste la playlist. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une voudrait dire de quoi on va parler ce soir, même si c'est pas encore tout à fait dans l'ordre? Bah ouais, je peux teaser un peu, donner des petits indices. Je crois qu'on va avoir un bon bout d'antenne, un gros morceau par rapport à l'expulsion du Square Vertet qui se trouve à Nantes, à côté de l'arrêt de tram Mangin, dans un square. Square dont était expulsé, dont ont été expulsés une soixantaine de personnes qui sans papier, pour la plupart, qui dormaient là-bas. Et des personnes qui, suite à cela, se sont installées dans un gymnase appartenant au diocèse de Nantes. Je ne sais plus comment s'appelle le gymnase, mais c'est près de l'arrêt Beau Séjour, sur la ligne 3. Et on va vous raconter tout ça, il y a des sons de tout ça. Et aussi, Nicole Klein dit des bêtises, mais ça, c'est pas nouveau. Voilà. Sinon, en actualité un peu plus internationale, peut-être un petit mot sur l'élection de, j'ai même pas envie de dire son nom, Voldemort au Brésil, l'autre facho là. Également Trump qui a dit vouloir prendre des mesures gouvernementales contre les personnes transgenres. Également un appel des copains de... Oh là là, pardon, un appel le 10 novembre des copaines à Bure, qui appelle le 10 novembre devant tous les TGI de France, devant tous les tribunaux de grandes instances, à organiser des balles de malfaiteurs et malfaiteresses, malfaiteureuses, malfaiteuses, des balles de malfrats, pour justement faire un pied de nez à tout ce qui leur tombe dessus, niveau répression pour association de malfaiteurs, patati patatas, tout ça c'est des bêtises. Également un petit point sur la nouvelle loi anti-casseurs qui vient d'être validée en première lecture au Sénat. Et il y aura forcément un petit agenda dans l'eau et de la musique et des trucs et des blagues et de la bonne humeur. Et je pense que tout ça c'est pas mal, non? Ouais. Yep. Donc on me demande si on commence par la musique ou par la bonne humeur. Je crois qu'on peut faire les deux en même temps. Peut-être. Yeah. Salut, salut, bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur Radio Cayenne. Il est 20h et on va parler un petit peu des luttes des exilés un peu partout en France, plutôt sur ces 15 derniers jours, enfin sur le petit mois d'octobre, même si on va pas faire tout le mois d'octobre parce qu'il se passe vraiment beaucoup trop de trucs, alors beaucoup de choses tristes et des mauvaises nouvelles, mais aussi quelques bonnes nouvelles, vous allez voir. Et du coup, il y a 15 jours, à la dernière émission qu'on a réussi à tenir en direct, on avait déjà un peu lu les nouvelles sur la page Facebook du CRAN. Donc là, je reprends mes sources toujours sur cette page. Il y a aussi le très bon site infomigrant.net, dont je me suis inspirée, et puis d'autres sites de médias indépendants, des mutus à droite, à gauche. Voilà, et donc, pour petit rappel, début novembre, donc les nouvelles qu'on avait données il y a 15 jours, il y avait eu notamment une expulsion d'un squat à Marseille, d'une centaine de personnes, et puis l'expulsion de chez Jésus aussi à la frontière franco-italienne, des nouvelles de grosses rafles en Belgique aussi, etc. Et donc, je vous invite à retourner sur la page du CRAN si vous voulez revoir ces nouvelles-là. Je ne vais pas les redévelopper une nouvelle fois. Et du coup, on va commencer au 11 octobre avec l'expulsion à Nantes du squat de la Carterie. Et j'avais envie de vous lire du coup le petit article paru sur la page du CRAN parce que ça raconte un peu, mais surtout, ça nous parle aussi en fait des bailleurs sociaux dans tout ça. Et du coup, je trouve ça un peu intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Du coup, je retrouve le texte et je vous lis ça dans 2 secondes. Donc, c'est publié donc le 19 octobre, mais comme je disais, l'expulsion de la Carterie avait eu lieu le 10 ou le 11. Bref, quand Harmonie Habitat se gargarise de laisser à disposition 15 appartements de son parc immobilier à Saint-Herblain pour des demandeurs-demandeuses d'asile et dans le même temps fait expulser des exilés de l'un de ses bâtiments par la police. Ce jeudi 11 octobre au petit matin, un énorme dispositif policier se déploie et boucle les alentours d'un squat au 19 rue de la Carterie. La compagnie départementale d'intervention, la brigade anticriminalité, la police aux frontières et même les renseignements territoriaux sont de la partie. L'immeuble appartient au bailleur social Harmonie Habitat. Depuis 4 mois, 7 appartements y sont occupés. Le propriétaire avait déjà tenté une expulsion illégale, envoyant ses sbires racistes un matin pour mettre la pression et changer les serrures. La détermination des occupants-occupantes l'a emporté, et le bailleur s'est décidé à utiliser un moyen légal. Il a donc demandé l'autorisation d'expulser au tribunal. Ce dernier l'ayant validé sans que le moindre délai soit accordé pour chercher un nouveau logement. Un huissier a donc sommé par courrier les habitants-habitantes du lieu à quitter le bâtiment. En parallèle, un recours a été lancé par les habitants-habitantes au juge des applications. Donc, c'est un recours non suspensif, mais qui permet en fait des fois d'avoir plus de délais. Et du coup, pour gagner donc quelques semaines, et du coup, ils ont été expulsés juste avant. Il y avait même un collectif de voisins-voisines qui ont appuyé le dossier, etc. Mais l'audience, du coup, devait avoir lieu 4 jours après l'expulsion. Donc, ils ont été expulsés 4 jours juste avant, en fait, d'avoir leur audience au juge. L'intervention policière est violente et stressante pour les habitants-habitantes de la Carterie. La dizaine de personnes se retrouvent une nouvelle fois à la merci de la rue et de l'hiver, sans solution immédiate de relogement. Une personne, prise de panique, ira même jusqu'à sauter du premier étage de l'immeuble pour échapper aux forces de l'ordre, mais sera interpellée pour être ensuite interrogée par les agents de la PAF, police aux frontières, au commissariat central de Valdec-Rousseau. Blessé dans sa chute et commençant à cracher du sang, le jeune homme sera finalement pris en charge par les pompiers et ne sera pas incarcéré en centre de rétention. Rassurez-vous, le camarade hospitalisé va mieux et a trouvé un endroit où passer ses nuits. Mais revenons plus particulièrement à Harmonie Habitat. Et son coup de com'. Le bailleur propose des logements pour les expulser du square d'Avier et dans le même temps dégage les copains exilés, préférant mettre des plaques anti-squat sur l'immeuble qui était occupé et restera définitivement vide jusqu'à sa future destruction. Expulser des personnes en situation d'extrême précarité, laisser des appartements en excellent état inhabités, pour Harmonie, les enjeux économiques sont plus importants que de laisser des exilés vivre avec un toit sur la tête. Dans l'un des quartiers les plus prisés de Nantes par les acheteurs, le bailleur social fait comme de nombreux propriétaires. Il spécule et attend que le prix du marché immobilier explose pour tirer de la vente le maximum de profit. L'immeuble démoli sera sûrement remplacé par des appartements de standing pour jeunes cadres dynamiques. Hashtag gentrification, Hashtag Startup Nation. Phénomène qui explique en partie l'indécent nombre de logements vides dans les métropoles, sympathique pour une entreprise qui revendique une visée sociale. Harmonie Habitat, son président Jacques Stern et son conseil d'administration s'achètent une conscience et un coup de pub en proposant des logements pour une courte durée aux exilés des gymnases, tout en expulsant violemment les habitants-habitantes d'un immeuble qui était vide depuis plusieurs années et le restera. Nous ne sommes pas dupes, un toit pour toutes et tous. Voilà, donc ça, c'était à propos d'Harmonie Habitat dans les expulsions. Et on continue notre petite chronologie qui nous amène au 16 octobre. Au 16 octobre, il s'est passé plusieurs choses, et notamment, on va commencer par une bonne nouvelle, qui est du coup, qui nous vient de Brest, puisque le 16 octobre, des lycéens et lycéennes à Brest ont réussi à empêcher l'expulsion d'un de leurs camarades sans papier. Et du coup, je vais peut-être vous retrouver l'article, ou pas, ou oui, ou non, ou si. Du coup, c'est donc le lycée Dupuis, à Brest. Il y a un texte qui est relayé sur la page du Cran, un texte écrit par une lycéenne qui du coup a participé à cette journée et où ils ont réussi à éviter l'expulsion d'un lycéen sans papier. La journée a commencé par la signature d'une pétition que toute la classe a signée. Cette pétition a fait le tour du lycée. Nous avons appris la veille par les réseaux sociaux qu'il y allait avoir un rassemblement au lycée à 10h pour discuter de ce qu'on pouvait faire pour aider la personne. Et donc, il y a eu un rassemblement. Et à son grand étonnement, elle dit « Il y avait énormément de personnes, toutes plus motivées les unes que les autres. Nous avons décidé de faire grève. Très peu de personnes sont allées dans les salles de classe et toutes étaient du coup dans la cour à attendre des nouvelles du préfet que du coup le CPE du lycée essayait de contacter pour trouver un arrangement. Pendant qu'une dizaine d'élèves étaient avec le principal pour trouver aussi d'autres solutions pour aider encore plus la personne. » À 13h30, il y a eu un nouveau rassemblement et cette fois-ci, tout le lycée, élèves comme professeurs, étaient présents. Un gros moment d'émotion par les différents discours faits par plusieurs élèves, dont le meilleur de ces discours était celui du jeune homme concerné qui demandait de l'aide. Nous sommes ensuite tous retournés en cours, plus déterminés que jamais à aider et à trouver des solutions. Les professeurs ne nous faisaient pas cours, ils étaient tous affectés par la situation. Et du coup, à 15h30, il y a eu un nouveau rassemblement spontané dans la cour du lycée. Ils s'attendaient à une mauvaise nouvelle, mais non. Le préfet venait de téléphoner au lycée pour dire qu'il pouvait rester, enfin que du coup la personne pouvait rester et qu'ils avaient suspendu du coup son départ. Alors je sais pas, son avis d'expulsion. Alors pour combien de temps, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est quand même vraiment beau de voir comment tout un lycée peut se mobiliser et réussir en fait à obtenir quand même que la personne ne soit pas expulsable avec une mobilisation forte d'une journée, quoi. Donc voilà, ça c'était le 16 octobre à Brest. Ça fait partie des bonnes nouvelles qu'on aime bien entendre. Et ce même 16 octobre, du coup, à Lyon, il y avait aussi une bonne nouvelle. C'était vraiment la journée des bonnes nouvelles, en fait, le 16 octobre. Et du coup, on avait parlé aussi la dernière fois de ce squat qu'avait ouvert... qui s'appelle la Croix-Rousse à Lyon. Et du coup, la Croix-Rousse, on avait dit qu'ils étaient en procès. Et du coup, ils ont eu le rendu le 16 octobre. Et le rendu a rejeté la demande du propriétaire, qui était la métropole de Lyon. Et donc, le squat est amené à durer. Donc ça, c'est une chouette nouvelle pour ce squat de mineurs, du coup, qui a été ouvert, je ne sais plus trop, quand exactement, je suis désolée, mais je crois que ça fait quelques mois, pas plus. Et je sais plus, je dirais que c'est tac tac tac. Alors c'est marqué pour mettre à l'abri des mineurs isolés, donc c'est un squat de mineurs, mais je sais plus, c'est une cinquantaine de personnes, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'était chouette et c'était le 16 octobre dernier. Ensuite, on passe à la journée du 17, et puis après, on écoutera de la musique. Alors, la journée du 17, il s'est aussi passé plusieurs choses, il me semble. En tout cas, il y a eu à Rennes une réquisition, un immeuble réquisitionné. Donc, je vais vous lire en fait un petit peu le communiqué de cette réquisition. Personne à la rue et soutien nous avons réquisitionné un immeuble inoccupé, propriété du bailleur social de Rennes Métropole, Archipel. Pendant un mois, le collectif de soutien aux personnes sans papiers a mené des occupations pour réclamer l'hébergement de ces personnes à la rue et l'ouverture d'un centre d'accueil inconditionnel. Au bout d'un mois, la préfecture ne remplit toujours pas ses obligations pour loger ces personnes. Nous avons donc décidé de réquisitionner collectivement ce bâtiment public, un lieu d'hébergement inconditionnel en attendant des logements pour toutes et tous. Réquisition des logements vides. Donc voilà, et je pense que vous pouvez retrouver des nouvelles de ce squat sur la, une page Facebook qui s'appelle... Alors il me semble... immeuble réquisitionné... Non, c'est pas immeuble réquisitionné, je sais plus. Du 14 octobre ou un truc comme ça. Bref, pardon, j'ai pas le lien précis. Mais en tout cas, il me semble que ce lieu tient toujours et qu'ils ont... Bon, ils tiennent des AG régulièrement, tout ça. Il y a moyen, en vrai de les aider, notamment par des dons. Il y a des appels à dons de différents matériels. Voilà. Et Rennes, c'est pas très loin. Donc, si ça vous dit. Voilà. Et donc, ce même 17 octobre, nous avions l'expulsion aussi d'un squat à Gap. La maison Cézanne à Gap, qui était du coup un lieu de vie d'une vingtaine d'exilés depuis 2016, a été expulsée sur ordre de la préfète des Hautes-Alpes et sous la menace des forces de l'ordre déployées pour l'occasion. Les personnes expulsées ne se sont pas vues proposer de solution de relogement. Comme d'habitude. Et peut-être on fait une petite pause musicale et je reviens tout à l'heure. Brûlons ensemble tous nos papiers, morts aux frontières et au monde d'hier. Brûlons les centres de rétention, les CER et toutes les prisons. Aucun humain n'est illégal aux yeux de ma loi. Aucun paria, aucun pays, aucune nation n'appartient à aucun État. Notre silence, indifférence, fait de nous tous la masse consentante. Pourquoi laissons-nous les puissants enfermés, hommes, femmes, enfants? Derrière les grilles, des gens se meurent. L'enfermement, tueur par heure. Ta charité, brave citoyen, ta bonne conscience, juste ça sert à rien. Je suis démocrate, je suis socialo, je vais voter, plier soumis. Je suis indigné, oui mais pas trop, car mon confort, ben j'y tiens aussi. Notre cerveau s'est repensé, notre cœur, notre trip à se révolter. À quoi peut bien servir un cul lorsqu'on reste assis dessus? Brûlons ensemble tous nos papiers, morts aux frontières et au monde d'hier. Brûlons les centres de rétention, les CER et toutes les prisons. Ficou, soldat, maton, gendarme, bourgeois, facho, curé, patron. Car à vos faces, on graisse nos armes, que crève ce monde. Allô, allô, la chanson que l'on vient d'écouter s'appelle Rétention, qui est du groupe qui s'appelle West Coast, C-A-U-S-S-E. Et voilà, je te laisse la parole. Merci, c'était vraiment une chouette chanson. Et bah du coup, on continue un petit peu notre chronologie de qu'est-ce qui s'est passé niveau des luttes des exilés et puis des, on pourrait dire des persécutions des exilés, hein, un peu partout en France. Après, je vous dis pas que c'est hyper exhaustif et que j'ai pas loupé des infos aussi, hein, mais bref, on était rendu au 20 octobre et je voulais du coup vous parler d'une tentative de réquisition avortée à Rouen. Du coup, je vais lire aussi le communiqué. Du coup, nouvelle tentative d'occupation pour héberger les habitants de la Garenne à Rouen. Une centaine de personnes ont manifesté en fin d'après-midi depuis l'hôtel de ville pour aller rejoindre un ancien couvent vide à quelques centaines de mètres, réquisitionné afin d'y accueillir les habitants de la Garenne qui risquaient chaque jour de se retrouver à la rue. Ce nouveau lieu a été expulsé dans l'heure par la police, après que celle-ci ait chargé les soutiens rassemblés devant l'entrée. Du coup, expulsable à tout moment, les habitants habitantes de la Garenne étaient une centaine à avoir trouvé un abri de fortune du coup dans ce bâtiment la Garenne depuis le 19 mai dernier, et le tribunal d'instance de Rouen avait validé leur expulsion le 13 octobre. C'est pour ça du coup qu'il y avait cette manifestation et cette nouvelle réquisition de prévue. Rappelons du coup que le 1er novembre, soit 15 jours après l'expulsion, c'est le début de la trêve hivernale. Et bien que la ville de Rouen ait mis le centre Colette Hiver à disposition de la préfecture, celle-ci refuse toujours d'y abriter les familles. Donc on ne sait pas trop c'est quoi ce centre, mais a priori c'était un endroit où au moins il était plus ou moins proposé d'héberger au moins les familles, et la préfecture évidemment n'en a rien à faire. Et du coup il y a un prêt à la fin de ce communiqué, un espèce d'extrait que on pense être, un témoignage, des propos des gens qui habitaient la Garenne, on suppose, et qui dit « Nous sommes 180 personnes originaires d'Arménie, du Nigeria, du Congo, de Biélorussie, du Ghana, du Koweït, Soudan, Guinée, Mali, Somalie, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, etc. » appelés migrants, migrantes, exilés, réfugiés, mineurs isolés, a préféré le titre d'être humain, et en cela demandons le respect de nos droits et de notre dignité. Voilà, bon courage à Rouen. Ensuite, on passe au 22 octobre à Clermont-Ferrand. Du coup, à Clermont-Ferrand, il y avait une place, la place du 1er mai, qui était occupée, on va dire, par un campement de migrants qui s'est mis en place petit à petit, dont on avait déjà un petit peu connaissance, enfin il y avait déjà un peu des infos là-dessus en début de mois. Et plutôt, moi j'avais l'impression que c'était cool parce qu'il y avait des migrants de partout, en fait, des gens issus de l'Est, comme des gens issus d'Afrique, des SDF français aussi. Plein de situations administratives différentes aussi, et que c'était un campement bon qui grossissait mais qui avait l'air de quand même bien se porter. La ville avait mis à disposition quand même un point d'eau, des toilettes. Ça avait l'air de bon d'être correct, même si c'est pas top d'être à la rue et d'être en campement avec la saison automnale, tout ça qui arrivait, mais voilà. Et puis finalement on apprend le 22 que pour la deuxième fois le campement est évacué par la préfecture, comme d'habitude. Donc voilà, le camp des migrants situé place du 1er mai à Clermont-Ferrand a été évacué pour la deuxième fois, lundi 22 octobre 2018. Plus d'une soixantaine d'adultes ont été transportés vers un gymnase appartenant à la ville, comme partout. Cette mise à l'abri n'est pas destinée à être pérennisée, évidemment. Du coup, ce que disaient les autorités, c'est l'objectif est de donner un toit sécurisé aux personnes pour les orienter selon leur situation administrative vers un logement adapté. En gros, on va les trier, ils disent ça partout. Mais le collectif donc Clermont Fait Monde remet en cause ces transferts, craignant que la mise à l'abri ne dissimule des expulsions déguisées. Parmi les personnes qui campaient sur la place, certains sans-abri de nationalité française ou étrangère refusent de partir au gymnase. Si de nombreuses tentes ont disparu, on en comptait dans l'après-midi encore plusieurs dizaines. Et donc voilà, c'est pas pour rien que c'était la deuxième tentative, et peut-être elle sera suivie bientôt d'une troisième tentative d'expulsion, malgré les relogements en gymnase qui de toute façon ne sont que temporaires, donc forcément ça marche pas trop. Ensuite du coup, les nouvelles du 23 octobre, et donc là on a des nouvelles de différents endroits, et on va peut-être commencer par l'expulsion de la Garenne à Rouen, puisqu'on parlait de Rouen tout à l'heure. Avec cette manif et cette tentative d'occupation qui avait avorté. Et du coup, les gens de la Garenne qui étaient expulsables depuis le 13 octobre se sont fait expulser le 23. Et j'essaye de vous retrouver le texte, si j'y arrive. Je vais peut-être pas y arriver. C'est pas drôle. Ah si, voilà. Ce mardi 23 à Rouen, c'est un important dispositif policier qui prend place autour de l'immeuble de la Garenne. À 6h du matin, plus de 100 personnes sont expulsées, dont la moitié sont des mineurs, donc expulsées par les flics. On dénombre plusieurs interpellations. Deux exilés sont emmenés menottes au poing dans des véhicules de police. Pas d'infos sur les motifs de ces arrestations. Peut-être pour un interrogatoire par les agents de la police aux frontières. mais bon, peut-être plus aussi. Ce matin, et voilà, ça, c'était tout pour la Garenne à Rouen. Donc voilà, mauvaise nouvelle. Et le 23, il s'est aussi passé l'évacuation du campement de Grande-Synthe. Donc Grande-Synthe, c'est dans le nord, pas très loin de Calais, tout ça. Enfin, si ma mémoire est bonne. Et du coup, donc le 23, c'était pour la sixième fois en 5 mois. Le campement de migrants de Grande-Synthe, dans le nord de la France, a été évacué. Et ses occupants-occupantes redirigés vers plusieurs centres d'accueil, indiquent les autorités françaises. Les associations déplorent un manque de communication envers les migrants et l'absence de solutions d'hébergement pérennes. Donc voilà, je ne sais pas si vous imaginez, mais 6 fois en 5 mois, quoi. Et puis bon, bah voilà, on sait aussi que Calais, Grande-Synthe, c'est dans le nord en général, là où il y a beaucoup de campements sauvages, enfin ce qu'on appelait les jungles. Et ben, il y a quand même un harcèlement permanent depuis le gros démantèlement, mais même avant, il y a quand même un harcèlement permanent des migrants, et ça nous fait un peu penser à ce qui se passe aussi à Nantes ces derniers temps, mais on y reviendra. Et du coup, dernière nouvelle du 23 octobre, c'était l'évacuation du campement de Rome sur l'île de Nantes. N'est-ce pas? Et là, je vais vous lire Presse-Océan. Oui, pardon, désolé. Je vais quand même vous lire Presse-Océan. Et ensuite, on mettra peut-être une autre musique. Du coup, je suis désolée, ça me prend un petit peu de temps, les manips informatiques. Donc, Nantes, île des Nantes, plus de 150 Roms évacués par les forces de l'ordre. Youpi, installés depuis 6 mois quand même sur l'île de Nantes. 150 Roms et Romni originaires de Roumanie, selon eux, bon, je sais pas, après c'est Presse-Océan, hein, ont été évacués par les forces de l'ordre ce matin vers 8h. Donc 150 Roms, après là, ils détaillent un petit peu la composition en fait sociale des gens, c'est-à-dire si c'était des familles, des femmes enceintes, des enfants, des machins. Moi, je vous passe le détail parce que je trouve qu'on s'en fiche un peu. C'est 150 personnes qui ont été évacuées. Et du coup, ils expliquent aussi qu'il y avait certaines personnes qui travaillaient, que les enfants étaient scolarisés, etc. Et que du coup, il y a des caravanes qui sont restées aussi sur le carreau, quoi. Et qui, du coup, sûrement ont été mises en fourrière ou détruites, comme souvent pendant les expulsions de Rome. Et donc, la préfecture indique que les forces de l'ordre ont été assistées d'un huissier, non, j'imagine, pour l'ordonnance d'expulsion, conformément aux instructions ministérielles. Oui, on s'en fiche complètement. Le groupe de Rome, via sa porte-parole sédentarisée, affirme avoir contacté le cabinet de la mairie de Nantes pour solliciter un terrain, leur évitant d'être sans arrêt expulsé. Ce que la ville dément, bon, oui, carrément, quoi. Elle dit même pas « j'ai pas trouvé de solution » ou « j'en trouverai une plus tard » ou je sais pas quoi. Elle dit « non, ils m'ont jamais parlé de ça ». Alors que ça fait des années et des années, en fait, qu'il y a des groupes de Roms et des familles de Roms. En fait, ces groupes-là, c'est un peu tout le temps les mêmes personnes qui se font harceler en permanence et qui se font expulser de leur campement au moins une fois par an, souvent 2 fois par an, des fois plus. Bref, voilà, c'était génial le 23 octobre à Nantes. On va écouter une petite musique. You and I lost in indecision. You and I stuck on the road. You and I on the edge of despair. We are slipping away. Should I scream? Should I be afraid? Let us bleed until the last breath. Hold my hand until the very end. Right now. endlessly until the last breath. Hold my hand until the very end. Eye to eye, face to face. What we gonna do? What we gonna do? De l'espace public ne serait tolérée. C'est-à-dire qu'il y a une autre tente qui vient s'installer au Square d'Avier. Quelqu'un installe une tente au Square d'Avier dans deux ou trois jours, tout de suite, elle est enlevée par les forces Square de l'ordre. Square d'Avier ou ailleurs. Tout de suite, elle est enlevée par les forces de l'ordre. L'occupation de l'espace public ne sera possible. Là, on vient d'entendre Johanna Roland qui, du coup, le 20 septembre, assumait que plus aucune occupation d'espace public ne serait possible à Nantes, donc Square d'Avier et ailleurs. Et Johanna Roland a tenu sa promesse puisque vendredi dernier, donc vendredi, on était le 26 octobre, le square Vertet, donc un square à Mangin à Nantes, a été expulsé par les forces de l'ordre. Les flics étaient passés la veille pour annoncer qu'il y aurait une expulsion le lendemain. Ils sont arrivés vers 8h30 du mat, ils ont pris position assez vite dans le square, c'était des gardes mobiles accompagnés de la CDI, donc la compagnie départementale d'intervention, des sortes de baqueux en uniforme anti-émeute, et accompagnés aussi de la police aux frontières, de Nantes Métropole, donc on peut dire des flics de Nantes Métropole, je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement, ce genre de personnes, accompagnés de vigiles. Donc voilà, donc ils ont pris position assez rapidement. Il y a eu un truc de, il y a des gens qui voulaient pas partir, donc il y a eu un truc de démonter les tentes pour pas que ça se passe comme la dernière fois, c'est-à-dire Square d'Avier, où les tentes avaient été récupérées par Nantes Métropole, qui avait promis de les rendre à des assos. Donc les tentes n'ont toujours pas été rendues aux assos, donc elles ont été démontées assez vite. Il y a des exilés qui voulaient pas du tout démonter les tentes, qui voulaient pas partir aussi, enfin qui voulaient pas partir. Juste parce que les flics et la métropole leur demandaient, et du coup qui mettaient un certain, je sais pas comment dire quoi, pour qui c'était une atteinte à leur dignité en fait de se casser comme ça, donc ont voulu attendre d'être poussés par les flics pour quitter le square. Ça s'est fait assez vite, les flics ont resserré au fur et à mesure le dispositif, et ont réussi en poussant à virer tout le monde. Et je vous propose qu'on écoute un son de cette expulsion. Et dans ce son, juste avant pour dire, c'est pas toujours très lisible, enfin en tout cas ouais, à l'oreille. Du coup, ce que vous allez entendre, c'est des bruits de flics, des bruits de machines et l'interview d'un des exilés qui était dans ce parc. Madame, Bah, depuis hier, les policiers sont venus hier. Ils ne nous ont rien fait hier, mais depuis ce matin, ils sont venus, ils disent qu'on ne peut pas dormir ici. Et il y a certains parmi nous, on dormait à la commerce, ce qu'on vit là-bas. Bon, le jour que nous on avait rendez-vous, c'est le jour-là qu'ils sont venus loger les gens. Maintenant, on a fait monter et descendre, on part à Luffy. Luffy nous ramène à la mairie. La mairie dit que ce n'est pas eux qui donnent maison. On part à la préfecture, on part là-bas et nous ramène sur les associations. L'association nous ramène à Luffy. Donc, ils nous font monter et descendre. À travers tout ça, nous aussi, on a cessé tente, on dormait ici. Maintenant, depuis lors, maintenant, les policiers sont venus et disent que non, on ne peut pas vivre ici. Et nous, on n'a rien fait. Juste si l'État ne peut pas nous aider, il n'a qu'à nous laisser dormir dehors. Et personne ne peut accepter de dormir dehors avec du froid. Nous aussi, on a droit. On est demandeur d'asile. Ils disent que si tu es demandeur d'asile, tu dois vivre, on doit te loger. Tu dois faire beaucoup de choses. Mais depuis lors, maintenant, il n'y a pas eu de proposition, il n'y a pas eu de relogement. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Jusqu'à présent, il n'y a rien. On est là, on est à l'attente, on est à l'écoute, mais il n'y a rien. Rien. Là, la police, tout à l'heure, elle a demandé de partir. Tout le monde reste quand même. Oui, ils disent qu'on va, disperser. On dit non, on ne peut pas disperser. On va partir où? Où? Donc, il doit nous laisser vivre quand même. S'il ne veut pas nous aider, mais comme ça, là... On est foutu parce qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas. Bon, il doit faire quelque chose à nous. Il doit nous donner logement. On ne doit pas vivre dehors. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains. On est tous demandeurs d'asile. Ils nous acceptent. Donc s'ils nous acceptent, ils doivent nous donner quand même quelque chose à nous. Même à part de l'argent, nous on n'a pas besoin de l'argent. Mais ils doivent nous donner une maison. C'est tout ce qu'on demande. L'argent là, oui, nous sommes des garçons. On peut chercher l'argent. On peut travailler, oui, mais ce n'est pas qu'ils nous donnent l'argent, on dort dehors avec du froid. Regarde mes mains, regarde. Parce que je n'ai pas l'habitude de dormir dehors. Si j'ouvre tout de suite mon sac, il y a seulement des médicaments. Je n'ai pas l'habitude, j'ai fait plus de 16 ans sans tomber malade. Mais depuis que j'ai commencé à dormir dehors, je me sens très mal à chaque jour, à chaque instant. Parce que donc j'ai fait ma vie, c'est ça qui me dérange tellement. En arrivant ici, ce sera comme ça. Non. Je suis colonie français. C'est la France qui m'a colonisé. Je sais que dès que je suis là, je peux m'en sortir. Mais maintenant, là, je me sens catastrophe. Je me sens abandonné. Je me sens comme je ne suis pas humaine. Et on est tous égaux. Mais depuis que je suis là, je me sens filtré, je me sens abandonné. Et je suis colonie française. Mais je sais que si je suis en France, je peux vivre comme les Français. Bah, maintenant là, je ne sais rien. Je ne sais pas quoi faire. Je suis là sans espoir. Parce que depuis ce matin, je n'ai rien mangé. Je suis comme ça. Il n'y a pas de proposition, il n'y a rien. Donc, je ne sais pas quoi faire. Et après Daviet, toi, tu t'es retrouvé dehors. Après Daviet, tu n'as rien eu du tout. Jusqu'à présent, on me fait seulement monter et descendre. On me fait seulement monter et descendre. Si je parle à les associations, ils disent que ce n'est pas eux, c'est la mairie. Si je parle à la mairie dit que ce n'est pas nous, c'est l'association, c'est l'assistance sociale. Si on parle à l'assistance sociale, ils disent que ce n'est pas nous, il faut parler à l'OFI. Si on parle à Luffy, bon, on est là, il nous fait monter et descendre. Il ne dit pas quelque chose de clair. Et s'il ne veut pas nous aider, bon, je ne sais pas quoi faire. Parce que je suis en France, je ne peux rien faire. Je suis demandeur d'asile, il nous a accepté. Donc, il doit nous donner nos règlements. On doit nous donner ce qu'il nous a dit. Il doit faire ça. Ça fait 3 mois que je suis là, il n'y a rien de ma part. Mais est-ce que je peux continuer sur ça? Il y a un moment froid qui est là maintenant. Ça fait trois mois. Ils disent qu'ils vont nous donner une maison. Ils vont faire quoi? Ils disent que c'est saturé. C'est leur argument. Ils disent que c'est saturé. C'est saturé. Jusqu'à présent, ils acceptent les gens. Ils disent que c'est saturé. Mais les gens qui viennent, ils demandent l'exil et on lui donne encore. Si tu dis que c'est saturé, tu dois arrêter. C'est saturé. Tu dois arrêter. Mais même aujourd'hui, on donne encore l'exil à les gens. On te laisse dehors comme ça. parce que c'est toi qui as décidé. Non. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de place de logement à Nantes. Si, si, il y a des places. C'est un refus seulement. C'est un refus, c'est un politique seulement. Soit disant qu'il n'y a pas de place. Si, il y a place. Il y a place partout. Il y a beaucoup de places ici. Il y en a. Oui, ils ne donnent pas. C'est un refus seulement. Seulement, peut-être, je vais dire que c'est pour donner la souffrance à des gens, pour montrer leur face. Mais soit disant qu'il n'y a pas de place, non. J'ai confiance à des Français, j'ai confiance à les choses, c'est bien sûr qu'on peut s'en sortir. Mais comme ça, là, je me sens abandonné. C'est tout, madame, je me sens abandonné. Nous sommes des animaux, c'est pour votre sécurité. Oui, comment? Nous sommes des êtres humains, nous sommes pas. Monsieur, c'est pour votre sécurité, s'il vous plaît, retournez sur le trottoir. S'il vous plaît, voyez bien qu'il y a des voitures, c'est pour votre sécurité. C'est notre sécurité, doit faire quelque chose pour nous. On ne doit pas arrêter comme ça sous là, on ne doit pas arrêter comme ça. On doit faire quelque chose pour nous. Si c'est notre. Nous, on connaît nos droits. C'est pour votre sécurité. Si c'est notre. Oui. C'est pour votre sécurité, monsieur. Oui. Ici, il y a nous, on les voitures. Connaît nos droits. On connaît nos droits. On connaît ce qu'on doit monsieur, faire. Monsieur, on vous le demande gentiment, mettez-vous sur le trottoir, s'il vous plaît. Vous voulez nous tuer? Vas-y. Big Boss, retournez sur le trottoir. Venez, retournez sur le trottoir, messieurs, dames. Retournez sur le trottoir, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, retournez sur le trottoir. Monsieur, s'il vous plaît. Voilà, il ne faut pas me pousser comme ça. Monsieur, s'il vous plaît. Il ne faut pas me pousser. Écoutez, monsieur, on vous demande de regarder le trottoir. Ne vous a pas touché, il ne faut pas me toucher. On ne vous touche pas, monsieur. Mais oui, mais il me touche. Donc, regardez le trottoir, s'il vous plaît. Allez, je vous touche. Allez, monsieur. À ce moment-là, reculez, monsieur, sur le trottoir. Au bout d'un moment, les gars, c'est bon. Allez. La bataille. Voilà. Merci, monsieur. Allez, sur le trottoir. Allez, basculez sur la droite, allez. On a mis l'équité là. Allez, basculez, tu prends jusqu'au véhicule, enfin même jusque là. Déficiez ça, là. Allez, restez là. Tous ensemble, tous ensemble. On est toujours sur Radio Cayenne, on est toujours lundi 29 octobre, il est 20h42 et le son qu'on vient d'entendre, donc pour celles et ceux qui nous ont rejoints entre-temps, c'est un petit son qui a été fait lors de l'expulsion du square Vertet à Nantes le 26 octobre, si je ne me trompe pas, ouais, le 26 octobre, donc il y a 3 jours. Du coup, pour redire un petit peu, parce que c'était peut-être pas très clair en écoutant, la première séquence en fait c'est les flics... Une fois que les flics ont viré les exilés du square Vertet, les personnes elles restaient devant le square. Du coup, les flics ont fait un premier mouvement pour virer les gens, mais qui sont restés à peut-être 5 mètres de l'entrée du square. Après, les personnes elles sont restées assez longtemps à cet endroit-là, et en essayant de demander des solutions, mais les seuls interlocuteurs, c'était les flics. En fait, il n'y avait pas la mairie comme d'autres fois. La métropole, elle restait dans le square. ils sont pas venus discuter. Enfin, il y avait personne avec qui discuter autre que des keufs. Du coup, au bout d'un moment, en fait, les exilés ont un bout des exilés en fait a choisi d'aller sur la route pour bloquer la route. Et du coup, c'est la dernière séquence qu'on entend. C'est les flics en fait qui vont repousser les exilés de la route avec des ordres de pas taper. Et du coup, qui poussent avec les boucliers. Et dans le dernier morceau qu'on entend, c'est le tout dernier morceau, c'est la relève des flics en fait, parce que les flics sont en train de s'énerver et du coup le chef il décide de relever ceux qui s'énervent pour mettre d'autres gendarmes mobiles à la place, pour faire comme si ça se passait dans le calme en fait, voilà. Donc ça c'est dans les bouts de trucs qu'on entend, et d'autres choses qu'on entend, c'est les bruits de machines, et j'ai pas précisé tout à l'heure, les bruits de machines, c'est les bruits en fait des tractopelles et des camions qui vont venir déverser des gravats sous le pont pour empêcher les personnes de se réinstaller dans le parc. Et les gravats en fait, c'est ils sont issus d'un mur et de bouts de route qui cassent en fait de l'autre côté de la route, pas la route où on est, mais la route qui est de l'autre côté du parc. Ils cassent des bouts de mur en fait et ils les amènent directement sous le pont. Et un des journalistes, Stéphane Pajot, est venu dire que ces travaux étaient prévus depuis longtemps et que, c'était normal qu'il se passait ça. En fait, les travaux, du coup, d'autres gens se sont renseignés. Les travaux de l'autre côté, en fait, ils sont prévus depuis longtemps, mais ils ne devaient pas commencer maintenant, en fait. Donc, ils ont choisi de faire... Enfin, la métropole a choisi de faire commencer les travaux plus tôt, en fait, pour pouvoir fournir des gravats très, très rapidement, pour mettre des gravats. Et quand on parle de gravats, on parle de plaques, de morceaux de murs qui font entre... 50 cm et 1 mètre de longueur sur 15-20 cm de hauteur. Du coup, de trucs qui sont assez difficilement déplaçables tout seuls, qui peuvent être déplaçables, soit dit en passant, à plusieurs. Hein. Il n'y a pas forcément besoin de machines pour déplacer tous les gravats qui ont été mis sous ce pont. Et du coup voilà, enfin donc là, après cette expulsion, tout l'ensemble en fait du mur, ils avaient commencé la veille à mettre des gravats sur la partie où il y avait pas de tente, la partie sous le pont où il y avait pas de tente. Donc ils ont continué là, et maintenant tout le pont en fait est rempli, tout l'espace sous le pont est rempli de gravats. On rappelle que c'est aussi un parc qui est utilisé par des gens, et que les personnes qui utilisaient ce parc et qui étaient présentes vendredi à l'expulsion étaient outrées en fait de ce qu'était en train de faire la mairie, et pas juste pour eux parce qu'ils pouvaient pas utiliser cet espace du parc, mais ils étaient outrés de la façon dont la mairie et la métropole traitent les exilés à Nantes, dont des gens qui n'avaient pas eu encore l'occasion de voir ce traitement en fait, et qui là se rendaient compte de ce qui se passait et étaient outrés. Du coup, après cette expulsion, les personnes ont décidé d'aller à la préfecture, devant la préfecture. Et après, je ne sais pas, Sinine, tu voulais raconter, parler de la suite. Est-ce que vous voulez qu'on lise d'abord le communiqué qui avait été publié sur le CRAN à propos justement de l'expulsion du Square Vertet ? Ouais, grave. C'était l'appel à soutien qui rappelle un petit peu de ce qui se passe à Nantes aussi avant. Du coup, vendredi 26 octobre, expulsion du Square Vertet, la maire Johanna Roland et la préfète Nicole Klein, main dans la main une fois de plus pour traquer les exilés. Où va-t-on lorsqu'on se fait expulser de la rue ? Cette question se pose depuis un moment en France, alors que les expulsions, destructions de camps, de Roms et d'exilés se multiplient. Paris, Grande-Synthe, Besançon, Chambéry, Orléans, etc. Ce matin, c'est à Reims et à Nantes que le bras armé d'un État raciste s'est abattu. La mairie socialiste montre son vrai visage, tandis que l'opération de communication « mise à l'abri » entre guillemets, est déjà finie. De cyniques panneaux « danger travaux » entoure le Square Vertet pour justifier la présence des gravats visant à empêcher toute réinstallation. Ne s'agit-il pas plutôt d'une mise en danger de la vie d'autrui, alors même que des températures glaciales s'annoncent ce week-end ? Et on les sent bien d'ailleurs. Ceci près d'un an après l'éphémère réquisition de l'ancienne école des Beaux-Arts, expulsée en moins de 24 heures à la demande de Johanna Roland, faisant un blessé grave. ce dernier est encore en rééducation. Il avait eu les deux talons brisés en sautant du premier étage pour échapper au CRS. Depuis, l'immense bâtiment vide est surveillé par des agents de sécurité 24 heures sur 24. La liste des lieux interdits d'accès et mis sous surveillance s'allonge. Le square d'Avier, le jardin des Fonderies et maintenant le square Vertet. Agents municipaux, gardes mobiles et compagnies départementales d'intervention y sont arrivés ce matin pour expulser la soixantaine d'occupants et les soutiens venus dès 7 heures du mat. L'errance reprend pour ces hommes, femmes et enfants. Méprisés, harcelés, mais toujours déterminés. Elles et eux ont choisi de se rendre devant la préfecture pour défendre leurs droits. Voilà. Ok, du coup, ouais, ça marche. Et du coup, ça c'était la lecture du communiqué fait par le CRAN, le Comité de Réquisition et d'Action Nantais. Vous pouvez retrouver leurs nombreux communiqués sur leur page Facebook à CRAN. Pas mal d'articles, de communiqués, des relais d'infos assez intéressants sur l'actualité des expulsions à Nantes ou ailleurs. Vous pouvez remonter un peu la page pour voir la chronologie de tout ça, si vous avez envie. Donc, on en était à juste après l'expulsion du square Vertet, en fait, là où des personnes exilées ont décidé d'occuper le parvis devant la préfecture toute la journée pour protester contre l'expulsion et réclamer un respect de leurs droits les plus fondamentaux. Il y a une dizaine de personnes qui ont même dormi là-bas sur place la nuit même. C'était le vendredi 26 octobre, c'est ça. Donc une dizaine de personnes qui ont dormi dans le froid, sachant que à partir de ce week-end là, il y a une grande vague de froid qui s'est abattue sur la France et qui a eu des chutes de température d'un peu plus d'une dizaine de degrés. La nuit en ce moment à Nantes, il fait entre 6 et 4 degrés. Ça devient vraiment hyper dangereux en fait, plus que d'habitude. Et du coup, là j'ai pris mes informations principalement sur la page du CRAN, mais aussi des articles de France 3 Pays de la Loire en général. On va vous faire un petit peu le récit de ce qui s'est passé depuis vendredi. Alors, il y a eu l'occupation, la réquisition du gymnase en fait inoccupé depuis plusieurs années de l'ancien lycée Jeanne Bernard, ancien lycée privé catholique, qui appartenait au diocèse de Nantes. C'est un lycée qui se situe à Saint-Herblain. Pour les non-nantais, non-nantaises d'entre nous qui nous écoutaient, Saint-Herblain, c'est une commune qui fait partie de Nantes Métropole, qui est située juste à côté, et c'est accessible depuis le centre-ville à un petit quart d'heure en tram. Alors, pour situer un petit peu dans la chronologie, là, aujourd'hui, on est à deux jours de la trêve hivernale qui démarre le 1er novembre. Et trêve hivernale qui va être bien attaquée, à ce que j'ai cru comprendre, par le projet de loi Élan, qui s'attaque au logement et notamment au squat aussi, à ce niveau-là, qui menace les gens précaires logés ou les gens non logés sur tout un tas de trucs horribles. Mais là, c'est pas de ça qu'on est en train de parler. Et du coup, oui, cet ancien lycée appartenait au diocèse, et depuis la fermeture de ce lycée, maintenant, c'est géré par une SCI, une société. Hein ? C'est ça, une société civile immobilière qui s'appelle La Providence. Voilà, super nom. Et en fait, ce lycée était vide et il est prévu sur les sites de l'ancien lycée, mais pas spécifiquement sur ce gymnase, qu'il y a un projet qui s'installe de l'association Saint-Benoît-Labre. Alors l'association Saint-Benoît-Labre sur Nantes, c'est qui ? C'est une association qui a été nommée par le département pour se charger, entre autres, de l'évaluation de minorité des personnes mineures isolées étrangères. Alors évaluer la minorité de quelqu'un, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu passes dans un bureau devant des gens et tu dois les convaincre de si t'es mineur ou pas par rapport à ce qu'on te raconte. C'est assez terrible. Voilà, sachant qu'au bout d'un voyage, d'un exil déjà long, pour certains, certaines, souvent dangereux et souvent traumatisant, ces personnes-là, qui sont encore dans leur chemin de parcours de migration, arrivent en France, où, enfin là, on peut parler que de la France, quoi, vu qu'on connaît plus les détails là-dessus, mais voilà, arrivent en Europe, pensent que c'est enfin terminé, que c'est enfin le repos, c'est enfin la fin du calvaire, et non, en fait, les procédures, ils viennent que de commencer. Donc quand on veut bénéficier de la protection et d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en France, on doit justifier de sa minorité sinon l'État ne te protège pas. Et même quand tu as été reconnu mineur, bah, en fait, Saint-Benoît-Labre, c'est une association qui s'est révélée assez défaillante à de nombreuses reprises dans leur prise en charge des personnes mineures isolées étrangères. Entre autres, mise à la rue ou non prise en charge de personnes à la rue alors qu'elles avaient bien, leur minorité avait bien été validée, des choses comme ça. Et ouais, Ghost voulait faire un ajout par rapport à ça. Je voulais faire un ajout pour l'association dont tu es en train de parler, qui fait partie des associations qu'on peut retrouver le jeudi matin comme plaignantes dans des cas quand les personnes qui sont logées par eux ne lâchent pas le logement, par exemple à la fin de la trêve hivernale. Du coup, ils font des demandes d'expulsion au tribunal, c'est ce genre d'association-là qu'on est en train de parler. Ouais, moi j'ai aussi une autre anecdote à raconter là-dessus. Donc un foyer géré par Saint-Benoît-Labre, foyer des frères Louis à Pierre-Mille. C'était l'année dernière, il y a environ 6 mois. Il y a eu une directive qui a été appliquée au niveau des politiques sociales, et ça je sais pas trop si ça vient du département ou du gouvernement, ou si c'est l'asso qui a décidé d'appliquer ça. Et en fait, à la base, les mineurs isolés étrangers hébergés au sein de ce foyer avaient une enveloppe d'argent de poche qui leur permettait de s'autonomiser un petit peu par rapport à leurs dépenses sur la bouffe, les vêtements et tout un tas de trucs. Et en fait, ils ont décidé de diminuer cette enveloppe argent de poche de beaucoup. Et à la place... Non, c'est pas ça. Ils n'ont pas diminué l'enveloppe argent de poche, mais en fait, il était devenu obligatoire pour eux d'acheter des plateaux repas fournis par un nouveau self au sein du foyer Frère Louis, qui coûtait à peu près 3 euros, je crois. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui ont littéralement pété un plomb et qui ont retourné le foyer, qui l'ont mis à sac, parce que très en colère par cette nouvelle, en fait. Voilà, après plusieurs mois d'un fonctionnement qui leur convenait, qui leur permettait de s'autonomiser. Et vous, je sais pas, mais moi, perso, 3 euros par repas, je trouve ça assez énorme quand on est précaire. Et voilà, on les obligeait à dépenser leur argent pour acheter des plateaux repas dégueulasses, alors qu'avant, ils pouvaient acheter eux-mêmes leur bouffe et juste se faire la cuisine pour beaucoup moins cher et mettre leur thune peut-être ailleurs sur des trucs que des fois on maîtrise pas, genre les clopes en fait, où c'est un budget qu'on peut pas trop réduire quand on est addict au tabac, parce que c'est pas chouette. Et suite à ça, il y a plusieurs jeunes qui ont été expulsés du foyer en fait. Et je sais pas trop, parce que c'est quelque chose qu'on m'a raconté par des gens qui étaient là-bas, donc pas trop d'histoire sur les suites de l'affaire. Mais voilà, il y a des personnes qui ont été expulsées du foyer suite à ça, quoi. Alors que, bah, juste, ils ont provoqué la colère, quoi. La colère est pas sortie de nulle part. Voilà, c'était la petite parenthèse. Saint-Benoît-Labre fait des trucs un peu dégueux. Et pourquoi c'était une asso défaillante. Et du coup, pour en revenir à ce gymnase de l'ancien lycée Jeanne Bernard à Saint-Herblain, le gymnase, en fait, il a été découvert qu'il ne faisait pas partie de la convention passée entre la société civile immobilière qui gère les locaux de l'ancien lycée et l'association Saint-Benoît-Labre. Donc en fait, que le gymnase soit occupé ou pas, ça empêche pas du tout Saint-Benoît-Labre de mener à bien son projet d'accueil de personnes mineurs isolés étrangers, comme il l'avait prévu fin décembre. Et on sait aussi que le gestionnaire des lieux, qui du coup représente le diocèse de Nantes à cette occasion, a reçu des pressions pour faire intervenir les keufs dès le samedi matin, dès le lendemain de l'occupation. Et ça, on le sait par des voisins solidaires, en fait, qui habitaient autour du gymnase, qui sont venus pour soutenir. Mais par contre, il y a pas mal de prêtres qui ont appelé ce gestionnaire des lieux pour dire qu'ils apportaient grave leur soutien à cette occupation et qu'ils étaient contents que les personnes aient pu trouver un abri si c'était dans des lieux qui appartenaient au diocèse, en fait. Donc, truc plutôt chouette. Et pour anecdote aussi, le diocèse, en fait, de Nantes avait proposé d'héberger dans des locaux qui lui appartiennent après l'expulsion du Square d'Avia, et la préfecture a tout simplement refusé. Voilà. Donc, comment ça se passe la vie là-bas? Alors, pour ne pas y être allée personnellement, désolé, ce week-end, je peux que vous rapporter des choses qu'on m'a racontées ou que j'ai pu lire ici ou là. Donc, déjà, l'expulsion du square Vertet, c'était à peu près une 60aine de personnes qui vivaient là-bas, qui occupaient ce square. Au gymnase nouvellement occupé et réquisitionné, on évalue à peu près 120 personnes. Donc, c'est bien la preuve qu'il y avait des personnes sans logement qui dormaient un peu ici ou là et qui n'étaient pas toutes regroupées au square. Et donc, en fait, ça montre bien qu'on sous-évalue en fait, le nombre de personnes à la rue en permanence. Il y a l'électricité, mais il y a l'eau dans des locaux de douche collective du gymnase, mais que de l'eau hyper froide, donc c'est vraiment pas super top comme condition. Il y a certaines personnes qui ont déplié leur tente à l'intérieur pour essayer d'avoir un petit peu plus chaud, et il y a également des matelas qui s'installent, etc. Et les exilés s'organisent sur ce lieu en autogestion, donc c'est hyper chouette. Et si vous voulez les soutenir, vous pouvez leur apporter des dons. Alors l'adresse, c'est au 45 rue du Docteur Laennec à Saint-Herblain. Pour y accéder, vous pouvez prendre le tram, la ligne 3, et vous arrêter à l'arrêt Beau Séjour. C'est à 2-3 minutes à pied. Les besoins prioritaires, pour l'instant, c'est des produits d'hygiène et d'entretien pour faire le ménage dans les locaux. En alimentaire, surtout des aliments secs et des conserves, des choses faciles à stocker et pas trop périssables. De l'huile pour cuisiner. Des épices, du piment, des produits pour le petit déjeuner, tout ce qui est thé, café, chocolat chaud, des viennoiseries, des brioches, du pain, des confitures, ça peut être chouette. Vu qu'il fait froid, de plus en plus froid, très froid, et qu'il n'y a pas de chauffage dans les locaux, tout ce qui est radiateur, portable, électrique ou à bain d'huile, c'est vraiment le bienvenu. Vous pouvez également apporter couverture, matelas, tente et des vêtements chauds d'hiver, des pulls, des sous-pulls. Également en sous-vêtements, des slips, des caleçons, des chaussettes, des petites chaussettes, des grosses chaussettes qui chauffent bien. Également des paires de chaussures, plutôt en assez grande taille à partir du 42-43. Et il est signalé également sur la page du cran qu'il n'y a pas besoin de dons de vêtements pour les femmes en ce moment, mais surtout de dons vêtements hommes. Voilà, voilà, ce petit récap. Du coup, on allait enchaîner avec un petit peu de musique, si c'est possible. C'est carrément impossible d'enchaîner avec de la musique. Et on va écouter quoi ? On va écouter un truc. On va écouter un truc qui va commencer et on vous dira après ce que c'était. Voilà, suspense. Bisous. Puisque les fusils des canons font dans le monde des entailles, couvrant les morts, les plaines et les vallons. Puisque les hommes sont des sauvages qui réunissent la fraternité, fable de bouffe à mal ouvrage, il faut sauver l'humanité. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bourreau crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Pour faire de ton fils un homme, tu as peiné pendant 20 ans, tandis que la gueuse en assomme en 20 secondes des régiments. L'enfant qui fut ton espérance, l'être qui nourrit de ton sein, meurt dans d'horribles souffrances, te laissant vieille, souvent sans pain. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bout on crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Est-ce que le ciel a des frontières? Ne couvre-t-il pas le monde entier? Pourquoi sur terre les barrières? Pourquoi l'éternel crucifié? Le meurtre n'est pas une victoire, qui sème la mort est un maudit. Nous ne voulons plus pour votre gloire donner la chair de nos petits. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bout on crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, arme à la guerre et les tyrans. Hola, hola, Radio Cayenne de retour. Et on était sur une partie d'émission qui faisait un peu le point sur les luttes des exilés à Nantes et ailleurs. Et là, c'était surtout à Nantes. Et on vous a parlé un petit peu de cette nouvelle occupation au gymnase de l'ancien lycée Jeanne Bernard à Saint-Herblain. Et du coup, l'adresse, c'est 45 rue du docteur Laennec à Saint-Herblain. Et vous pouvez leur apporter des dons, des produits d'hygiène et d'entretien, de l'alimentaire sec et conserve, de l'huile, des produits alimentaires de petit-déj, des couvertures, des matelas, des tentes, des vêtements chauds d'hiver, des sous-vêtements, surtout pour hommes. Et voilà, voilà. On leur fait des gros bisous et on espère qu'ils se portent bien. Du coup, on enchaîne avec une assez triste nouvelle qui illustre assez violemment qu'est-ce que ça peut donner, en fait, le non-accès aux soins quand on est sans papier. Une jeune femme qu'on appellera H est décédée il y a 3-4 jours à Angers. C'était une personne qui habitait au Square d'Avier avant qu'il ne soit expulsé, qui a été relogé au CADA d'Angers par la suite. Un CADA, c'est un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. C'est là où on peut potentiellement être pris en charge, même si pris en charge, c'est un mot très flou, très vaste, qui veut dire à la fois tout et rien. Donc voilà, un CADA, c'est un lieu où on peut être pris en charge en attendant que sa procédure de demande d'asile soit examinée, où normalement, on a un lit, un toit à manger et également de l'aide juridique et administrative pour tout ça. Et du coup, il y a des petits bruits que je sais pas d'où ça vient. Ah d'accord, c'est juste les retours du fond du petit bruit. Donc c'est cool, les cailloux, vous entendez bien correctement. Peut-être on peut dire que les CADA, normalement, en fait, les gens qui déposent une demande d'asile en France, sont censés être tous logés en CADA, en fait. Ah pardon. Eh ben je disais, pour information, les personnes qui déposent une demande d'asile en France sont censées toutes être logées en CADA, en fait. C'est-à-dire que normalement, elles ont un toit qui leur est fourni par l'État. Et normalement, un petit peu d'argent aussi pour survivre parce qu'elles sont interdites de travailler tout pendant qu'elles n'ont pas des papiers français. Et du coup, ça, normalement, c'est la procédure normale et obligatoire. Et d'ailleurs, la France se fait condamner régulièrement parce que justement, elle ne loge pas tous les demandeurs d'asile. Bref, enfin voilà, continue. Ouais, non, mais c'était cool de le préciser. Et ouais, des conditions de vie en CADA qui sont de plus en plus tendues par manque de travailleurs sociaux sur place. Qui dénoncent elles-mêmes l'impossibilité d'effectuer leur taf et d'être dans l'aide, en fait, aux gens. Parce que trop peu de moyens financiers leur sont accordés, parce qu'on leur demande d'appliquer des politiques sociales et de lutte contre l'immigration, il faut dire ce qui est, qui vont à l'encontre de ce qui est elle et ils apprennent en formation. Du coup, cette jeune femme, en fait, avait une constitution fragile. Elle a essayé, en fait, après plusieurs malaises en début de semaine dernière, lundi et mardi, de consulter un médecin. Elle a été refoulée de deux médecins et on lui avait conseillé d'attendre la permanence de la PASS. La PASS, c'est la permanence d'accès aux soins de santé. Il y en a dans à peu près normalement toutes les grandes villes où il y a des grands hôpitaux. Et c'est à peu près le seul service quand on est à la rue et que on est dans une situation précaire, administrative difficile, d'avoir accès à des soins médicaux. Ce sont des services qui explosent, qui sont complètement débordés, où parfois il faut plusieurs jours ou plusieurs semaines avant d'avoir des rendez-vous, avant d'obtenir des ordonnances, avant d'être examiné par un médecin. Et voilà, H, on lui avait demandé d'attendre, en fait, d'aller voir la PASS. Sauf que H, elle a fait une crise d'épilepsie il y a 3-4 jours, et elle est décédée. Elle est décédée parce que... Parce que, désolé, c'est assez... voilà, de raconter ça. On savait pas trop ce qu'elle avait, ou en tout cas, ça n'a pas été trop diffusé sur les automédias qui relayaient son décès, malheureusement. En fait, sa demande d'asile était complète et validée officieusement et aurait dû être validée début novembre. Donc, elle aurait eu accès à tout un tas de choses qui auraient été plus aisées pour elle en termes d'accès aux soins. Et H, en fait, elle n'avait pas accès à l'AME, qui est l'aide médicale d'État, qui est une carte et une attestation délivrée par la CEPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, qui te permet d'avoir accès au minimum en termes de santé, d'aller chez un médecin et tout simplement d'éviter de mourir en fait. Et voilà, donc du coup, suite à. Pour donner un tout petit détail, quoi, et on n'en dira peut-être pas plus. Après cette crise d'épilepsie, elle a été plongée dans un coma artificiel dont elle ne se réveillera pas. Donc voilà, on ne peut que conclure en disant que la politique anti-immigration tue, non seulement aux frontières, mais aussi dans la rue, mais également en interdisant aux gens de se soigner. Et du coup, on va peut-être enchaîner avec un petit morceau de musique. Von 80, Kragen 39, Sugar 46, stopp! Der Computer Nummer 3 sucht für mich den richtigen Boy. Und die Liebe ist garantiert für beide dabei. Lange war ich einsam, heute bin ich verliebt. Und nur Dromedaso, weil ich die Technik und die Wissenschaft und Elektronen. Der Computer Nummer 3 sucht für mich den richtigen Boy. Und die Liebe ist garantiert für beide dabei. Der Computer weiß genau für jeden Mann die richtigen Frau. Und das Blick fällt ihm auf den Blick aus seiner Kartei. Großen 82, Kragen 39, Sugar 46, stopp! Der Computer Nummer 3 sucht für mich den richtigen Boy. Und die Liebe ist garantiert für beide dabei. Der Computer weiß genau für jeden Mann die richtige Frau. Und das Glück fällt ihm auf den Blick auf seine Kartei. Ces migrants, pour la plupart, sont soudanais, sont érythréens, donc au vu de la situation politique de leur pays, ils peuvent prétendre aujourd'hui au droit d'asile en France, et donc ils relèvent de la responsabilité de l'État. Certains disent que justement vous ne prenez pas, l'État ne prend pas ses responsabilités. Que répondez-vous ? Je réponds encore une fois que l'État a une obligation de moyens, pas de résultats, que le dispositif est saturé. Je rappelle que la ville de Nantes est celle où il y a le plus de migrants non hébergés. Donc il faut que ces migrants, quand ils auront le droit d'asile, d'abord, ils ont une petite allocation qui leur permet normalement de se loger, même si le logement est saturé sur Nantes. Donc il faut, encore une fois, trouver des hébergements ailleurs qu'à Nantes, donc ne pas les encourager à venir sur Nantes. On est toujours sur Radio Cayenne, il est 21h12, on est toujours le lundi 29 octobre. Et là, on vient d'entendre Nicole Klein, donc Nicole Klein qui est la préfète de région des Pays de la Loire et de département de Loire-Atlantique. Donc Nicole Klein qui soit ordonne les expulsions d'exilés, soit met les moyens policiers à disposition de celles et ceux qui demandent... les expulsions, notamment Johanna Roland, crapule, Nicole Klein crapule. Et du coup, Nicole Klein, si vous avez bien entendu, vient de vous dire, donc c'était, je sais plus quand c'était, mais enfin bref, Nicole Klein vient de dire que les exilés n'avaient qu'à se prendre des logements avec l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre, donc l'allocation des demandeurs d'asile. D'ailleurs, allocation que tu peux avoir avant que ta demande d'asile soit... accepté, À partir du moment où tu la déposes, Nicole Klein, t'as pas l'air au courant. Et du coup, nous, on allait un petit peu chercher si effectivement on pouvait se payer un logement avec cette allocation. Donc, cette allocation demandeur d'asile, c'est 6,80 € par jour. 6,80 € par jour, ça fait 204 € par mois. Cette allocation, elle est soumise à plusieurs conditions. Cette allocation, elle est soumise, elle est conditionnée à l'acceptation par les personnes en demande d'asile d'une offre de prise en charge des conditions matérielles d'accueil faites par l'OFI en début de procédure d'asile. Cette offre, elle comprend également, donc en plus de l'allocation demandeur d'asile, elle comprend une offre d'hébergement en centre d'hébergement dédié, donc un CADA, UDA ou ATSA. C'est bien précisé que cette allocation, l'offre, en fait, elle est de principe pour l'hébergement, parce que les places d'hébergement ne sont pas disponibles pour tous les demandeurs d'asile, Nicole. Et oui, peut-être que t'es pas au courant de tout ça. Et c'est précisé aussi que le refus de l'offre de prise en charge, elle entraîne automatiquement le refus du bénéfice d'allocation demandeur d'asile. Donc, si t'as pas bien compris ce que c'était l'offre de prise en charge, si on t'a pas informé de cette offre de prise en charge, si, pour un tas de raisons, tu peux te faire refuser cette allocation. L'allocation, elle est versée sous condition d'âge. Faut avoir 18 ans pour l'avoir, et de ressources, il faut percevoir moins que le RSA pour l'avoir. Il faut avoir 18 ans ou plus, me précise-t-on à côté. Pour continuer sur l'allocation, en fait, cette allocation, on peut la perdre, et on peut la perdre pour tout un tas de raisons. On peut la perdre, je suis en train de chercher en même temps que je vous parle, on peut la perdre parce qu'on a refusé une proposition d'hébergement, pas parce qu'on a refusé trois propositions, quatre, cinq, auquel cas ce serait même dégueulasse. Mais non, une proposition d'hébergement, tu refuses une proposition d'hébergement, genre à la campagne, alors que tu es en train de faire tes papiers à la ville, ou tu refuses une proposition d'hébergement, tu dégages. Parce que tu as abandonné ton lieu d'hébergement, ou parce que tu t'es absenté plus de 5 jours. De ce lieu d'hébergement sans justificatif valable. Donc, il faut que tu saches que tu dois justifier. Et si tu ne sais pas que tu dois justifier et que tu te casses plus de 5 jours, on t'enlève ton allocation. Parce que tu n'as pas respecté l'obligation de te présenter aux autorités, donc genre d'obligation qui t'arrive par courrier, sous forme de convocation, que peut-être que tu sais pas les lire, ces courriers, peut-être que peut-être que tu n'as pas le courrier au bon endroit, peut-être que c'est la galère en fait, mais bon, si tu vas pas à une convocation, tu n'as plus droit à ton allocation. Si tu n'as pas répondu aux demandes d'information, donc pareil, souvent sous forme de courrier, si tu ne réponds pas au courrier qu'on t'envoie, on peut te supprimer ton allocation de demandeur d'asile. Si tu ne t'es pas rendu aux entretiens personnels qui concernent la procédure d'asile, donc si tu as raté un entretien, pour quelle que soit la raison, tu n'as plus le droit à cette allocation. On peut aussi te retirer ton allocation si tu as dissimulé des ressources financières. Donc par exemple, tu as trouvé un petit taf au black, tu ne l'as pas déclaré, on peut te retirer ton allocation. Si tu as fourni des informations mensongères sur ta situation familiale, on peut te retirer ton allocation. Si tu as un comportement violent ou si tu fais des manquements graves au règlement de ton lieu d'hébergement, comme par exemple faire de la bouffe dans ta chambre où tu n'as pas le droit de faire de la bouffe, on peut te retirer ton allocation. Si tu as fourni des informations mensongères relatives à ton domicile ou à tes modalités d'hébergement, on a le droit de te retirer ton allocation. On peut aussi, cette allocation, elle est refusée en cas de réexamen de ta demande d'asile. Donc, si on te refuse ta demande d'asile et que tu fais un recours, toutes les personnes en recours de demande d'asile n'ont pas le droit à l'allocation de demandeur d'asile. Comme ça, on te pourrit bien, bien, bien la vie en espérant que tu restes pas. On peut te refuser cette allocation si tu l'as pas demandé dans un délai de 120 jours après ton arrivée, sans motif légitime. Donc ça veut dire que dans les 120 jours, c'est-à-dire 4 mois, si personne t'a informé que tu avais le droit à cette allocation et que tu la prends 4 mois après, ben t'as pas le droit en fait. C'est super. Et en cas de fraude, sachant que c'est assez facile pour l'administration de dire que tu as fraudé. Donc ça, c'est toutes les raisons qui font que tu peux te faire refuser ton allocation de demandeur d'asile. Et du coup, je reprends un peu le déroulement du truc. C'est que donc cette allocation de demandeur d'asile, c'est 204 € par mois. Si tu as fait une demande de logement et que ce logement il t'est pas accordé par l'État, tu as le droit à un peu d'argent en plus, 7,40 € par jour pour te loger, c'est-à-dire 222 € par mois. Donc au total, avec tes 240 € et tes 222 €, tu as 426 € par mois pour te loger, t'habiller, payer tes factures, manger, t'acheter des fringues et éventuellement d'autres trucs si tu arrives à faire d'autres trucs avec ça. Du coup, tu disais 400 et quelques euros par mois en cumulant ces deux choses-là. Et c'est combien un RSA aujourd'hui ? C'est dans les 470 et tu peux t'as le droit aux APL en plus. D'accord. Et donc là, ouais, pour préciser, il n'y a pas le droit aux APL quand on est... Bah non, parce que tu as déjà les 7,40 € par jour. Bah ouais, faut pas que ça fasse trop non plus. pour le logement. Donc avec ces 426 € par mois au total, moi j'ai regardé dans quelle mesure c'était possible de trouver un logement avec ça. La règle posée par les agences immobilières et par beaucoup de proprios, c'est de gagner mensuellement 3 fois le loyer qu'on aura à payer. Donc si tu gagnes 426 € par mois, tu peux prétendre à louer un logement pour 142 € par mois. Bah alors nous on est allé sur le bon coin pour voir qu'est-ce qui marche pour 142 € par mois. Eh ben rien. En fait, le truc qu'on a trouvé le moins cher, studio meublé au Petit Port, 45 € par nuit. Bon, raté. Studio une pièce, 18 m², 350 € par mois. Studio une pièce, 21 m², 353 € par mois. Studio rue des Pavés à Nantes, on sait pas quelle surface, 357 € par mois. Studio une pièce, 19 m², 364. 366, 380, 389, 395. Une chambre, tiens, une chambre, pourquoi pas, peut-être c'est moins cher. Ah non, 395 €. Un studio meublé, parce que bon, quand même, t'es pas venu avec tous tes meubles, en fait. Alors, peut-être tu veux un studio meublé, bon, ben, 400 €, il te reste 26 € pour manger, payer tes factures et t'habiller. C'est un peu la merde. Studio meublé, 415 €, une pièce, 415 €. Cité des congrès, studio meublé, 425, 1 € pour manger tous les mois. Appartement, une pièce, 26 m², 444. Donc on rappelle que les personnes, elles touchent 426 € par mois et que pour qu'un propriétaire accepte de louer son logement à quelqu'un qui gagne 426 € par mois, il faudrait que le loyer soit à 142 € par mois. Quand à côté de ça, comme on se le disait tout à l'heure hors antenne, on voit toute la discrimination qui existe et notamment la discrimination à l'accès au logement. C'est-à-dire que si t'es noir, par exemple, si tu parles pas super bien français, même si d'ailleurs tu parles super bien mais que t'as un accent, si t'es, c'est un peu, ça risque d'être quand même compliqué dans d'être choisi en fait comme futur locataire de ce logement. Donc on voulait dire à Nicole Klein que c'était quand même super abusé en fait de penser ça. Enfin, pas que super abusé, c'est un peu léger comme terme, je sais pas, c'est super dégueulasse et qu'il y a bien qu'une grosse bourge de merde qui peut dire des trucs comme ça en fait, et qu'il y a bien que des gens qui peuvent pas être en galère à chercher des logements et qui peuvent pas être en galère avec leurs papiers et se faire harceler toute la vie par des keufs, par des assistants sociaux, par tout un système de merde qui peuvent penser que c'est possible qu'avec l'allocation demandeur d'asile on puisse se trouver un logement. Mais peut-être c'est pas abusé pour elle de penser ça, peut-être c'est juste aussi une façon un peu de se dédouaner, de faire croire aux gens que les personnes elles pourraient se loger elles-mêmes et que de pas assumer de faire autant d'expulsions ou d'accepter de prêter ses keufs pour les expulsions. Moi, si vous voulez, j'ai les tarifs du camping du Petit Port. On peut se dire que le camping c'est peut-être moins cher. Bah, en fait, pas trop. Pour une à deux personnes, par nuit, dans un petit, ce qu'ils appellent un petit chalet, un petit bungalow, c'est 49 € la nuit. Voilà, je vous laisse même pas faire le calcul déjà, mais vous multipliez par 10, ça fait 490 €. Vous multipliez par 3, bon, en gros, faut gagner 5000 balles par mois pour être à l'aise. Donc en fait, c'est du camping de riches. 1470 € par mois. Ah, toujours aussi précise, j'adore. Et il précise qu'il y a des possibilités de logement au mois à partir de 390 € par mois. On me dit, ah bon, ça a l'air cool. Alors, quand tu es avec une tente, c'est 15 € la nuit. 15 balles la nuit pour avoir le droit de poser ta tente dans un coin d'herbe. Sinon, c'est les gravats. Voilà, sinon c'est les gravats, quoi. C'est un peu moins confortable. 450 € par mois. Voilà. Et sinon, si tu es en vélo piéton, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros, je crois que si tu as juste tes pieds. Voilà, si t'as juste tes pieds et ton vélo, c'est 11 € la nuit. 11 € la nuit, ok. Ce qui reste okay. Plus que 7 € et 330 € par mois. Voilà, c'est quand même assez chaud. Bah ouais, puis en tout cas, je sais pas, faut trouver un vélo, c'est quand même tendu. Mais tout ça, c'était sans compter l'accès à l'électricité. Alors, bon, on peut jouer juste au prix là. Vous dites combien par jour pour l'électricité? 10 balles. Au camping du petit port. Ouais, 5 à 10 balles, ouais. Ouais, bah oui, 5,20 € par jour pour avoir accès à l'électricité au camping. Vous pouvez prendre également un forfait ménage à 60 balles et si vous voulez que votre lit soit fait, c'est 5 € par lit. Je ne pense pas que le personnel du camping du Petit Port soit payé à la hauteur des tarifs parce que je connais 2-3 personnes qui ont bossé. C'est des gros cons. Les patrons, les patronnes là-bas, c'est des sales cons. Ils exploitent les gens. Ils les mettent à l'essai pendant 15 jours pour leur dire en fait vous faites pas l'affaire, sauf que ça leur fait 15 jours de travail voilà, sans avoir à établir de contrat, c'est plutôt chouette pour eux. Et du coup voilà, le camping du Petit Port, ils disent que c'est un 5 étoiles au milieu du centre-ville pour votre prochain city trip urbain. J'ai pas trop compris, c'était un peu de la merde comme élément de langage. Et tout ça c'est les tarifs hors frais de séjour. Non, voilà, hors taxe de séjour, 50 centimes par nuit à partir de 18 ans. Et hors frais de dossier, 15 € à partir de 3 nuits. Voilà, la gestion du dossier. Je sais pas, c'est peut-être un peu leur taf en fait de gérer des dossiers de gens qui viennent camper chez eux. Mais non, tu dois payer des frais de dossier à partir de 3 nuits. On pourrait aussi dire à Nicole Klein que même en allant au camping à Nantes, en fait, avec la location demandeur d'asile, c'est pas vraiment possible de se loger, quoi. Oui, c'est clair. Et puis, moi, j'ai envie de préciser qu'il y a beaucoup de gens là, des personnes qui sont. Ah, je crois que tu parles dans le micro, camarade, mais qu'il n'y a pas de son. Je te prête le mien. Ah, c'est bon. Je voulais dire, du coup, que il y a beaucoup aussi d'exilés là qui se retrouvent à la rue. En vrai, ils n'ont même pas le droit à cette allocation aussi, quoi. Parce qu'il y a des gens, ils sont déboutés de la demande d'asile, comme on disait, du coup, tu n'as plus le droit à l'allocation. Il y a des gens qui sont aussi des mineurs isolés, mais pas reconnus mineurs, qui, du coup, n'ont plus le droit à une aide et à rien, d'ailleurs. Il y a des gens qui n'ont pas de papier, mais qui sont en recours, en demande d'autres titres de séjour et qui n'ont pas forcément non plus d'allocation et d'aide d'une quelconque nature que ce soit. Et que du coup, bon, bah voilà, de toute façon, il y a les Dublinés aussi. Donc de toute façon, en fait, ça fait déjà la moitié des personnes, enfin peut-être pas la moitié, j'en sais rien, tu vois, mais. Qui de toute façon n'ont pas d'argent du tout, quoi. Et ceux qu'on ont, effectivement, ils en ont vraiment pas beaucoup. Et puis j'imagine que de toute façon, le camping du Petit Port, il est prévu pour les touristes et qu'il manquerait plus que ça, que les exilés prennent la place des touristes, vous comprenez? Ce serait vraiment horrible. Bah, déjà qu'ils essayent de se mettre dans nos squats. Peut-être qu'on peut rajouter aussi que les demandeurs, avant d'être demandeur d'asile, du coup, il faut le temps de déposer ta demande. Que à Nantes, ça prend plus d'un mois, en fait, avant d'obtenir un récépissé de demande d'asile. Et du coup, ça fait aussi que pendant ce temps-là, pendant minimum un mois, voire plus, et c'est pas automatique, hein, là, ça arrive pas tout de suite à l'allocation de demande d'asile. Du coup, pendant au moins 2 mois, 3 mois, tu vas pas être logé. Non, c'est pas que tu vas pas être logé, c'est que tu vas pas toucher cet argent avec lequel Nicole Klein ose croire que c'est possible de se loger, quoi. Mais du coup, ouais, juste pour préciser, j'étais allée voir les tarifs du camping parce que. Je m'étais dit un truc, je sais pas, le camping c'est quand même un mode de logement populaire quand tu vas en vacances. Enfin, j'avais cette impression en tout cas. Et je sais pas, j'ai plein de récits autour de moi de gens, surtout des gens de la génération de mes parents, donc on va dire peut-être entre 50 et 60 ans, qui racontent, à l'époque j'étais étudiant, étudiante, et puis j'avais pas trop de sous, du coup je me logeais en camping. À l'époque, je taffais ici ou là, à l'autre bout de là où j'habitais, j'avais pas trop de thunes, du coup je suis allée au camping. Bah non, en fait, maintenant ça existe plus. Voilà. Est-ce qu'on met un petit peu de musique ? Ouais. Musique. Du phosphore blanc pour mes peines, de la honte sur mes gènes. Ils nous ont exploités sans gêne. Toutes nos ressources taries à échelle surhumaine. Je suis la peur au confinement de leurs nerfs. Et me larva avec torpeur aux quatre coins de leur enfer. Je suis tout ce qu'ils haïssent. Ils en ont décidé ainsi. Le jour qui m'a amené ici a amorcé mon sursis. Nous n'ont jamais préinscrit en lettres capitales. Sans drapeau, sans couleur, sans passe gouvernementale. Pour des nations bâties à l'usure de nos sandales. Et qui se garderont bien de soulever tout scandale. Pour nous l'espoir, lentement c'est tarif par escale. Entre charter, expulsion, l'univers carcéral. Être à jamais la bête noire de ces chacals. Et mon ambition première, je considère que c'est normal. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, une dette en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Par-dessus tout être autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, une dette en surenchère. Brèche pour une guerre à ciel ouvert. J'ai claqué la porte, il y a de ça fort longtemps. Ne crois plus à la paix, mais un violent réajustement. Et je brûle, me consume en quatre temps. Une ceinture à la taille, prête à faire feu sur vos gens. Pour des générations acquises par nettoyage mental. À qui je souhaite un examen de conscience radicale. Si ce sol se foule encore, c'est pour que mes failles restent imprimées après ma mort. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Les vautours chaque jour dévoreront tes viscères. Tu verras que rien ne sert d'espérer en vain. De la résignation pour toi est le plus court des chemins. Sur la brèche insolente et la branche qu'ils ont signée, se tient le rêve jamais brisé d'un à un. Les voir tomber, des racines asséchées de nos précieux oliviers. Au pied des cubes de béton et des jardins aseptisés. On prend part à la réécriture du scénar quand les lumières s'éteignent. Quant à nous s'offre le soir, les murs se taisent. Nos morts sur scène, mais réel est le cauchemar. Il ne s'agit que de temps pour que tous comprennent l'histoire. Du passage des frontières, du néant des carrières. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Par-dessus tout être autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Une brèche pour une guerre à ciel ouvert. Nadine, Bassam, Fadi, Sami, Antal, Soha, Malika, tous les frères, les sœurs, Adjibi.